Chapitre 3e. Dans sa chambre, et la bougie allumée, son premier soin fut d'examiner le porte-carte qui lui brûlait les doigts. Plus riche que le sien, il sentait bon le cuir neuf. Une photographie s'y encadrait. Elle la reconnut avec une stupéfaction ravie. Une carte d'identité au nom d'un journal d'art et des petits carrés en papier de Chine lui apprirent que son poursuivant s'appelait Nist, Georges Nist. Un doux nom qu'elle prononça tout bas. Ils demeurèrent rue Notre-Dame-des-Champs. « Mais nous sommes presque voisins. » Elle eut beau tirailler le carnet, l'entrebâiller en tous sens, elle ne trouva rien de plus. Un peu déçue, elle répéta plusieurs fois l'adresse pour bien la graver dans sa mémoire. Puis, regardant autour d'elle, offusquée par l'intérieur trop connu de la chambre, étouffant dans l'air enfermé, elle jeta à la volée son mantelet et son chapeau sur le lit, les bras étirés comme quand on a ses nerfs et un petit rire aux dents. Mais en face, Paul Gerbeau, peint à l'huile dans un cadre, pointait sur elle un regard étonné et sévère. Elle alla ouvrir la fenêtre, les yeux du portrait louchèrent, la sondant. Elle revint à la cheminée, une tête de Gerbeau en plâtre, moulée après sa mort et qui avait des poches d'ombre sous les yeux, la dévisagea tristement, toute pâle. Elle fit cette réflexion extravagante que la tête de son mari, sans foulard autour du cou, allait s'enrhumer, et qu'elle ferait bien de fermer la fenêtre, comme il le réclamait toujours de son vivant. Là-dessus, une envie folle de siffler à la façon des mères l'a pris. Elle l'eût fait, sans la certitude que sa belle-mère l'entendrait. Alors, elle vint se piéter devant son armoire à glace, et la bougie haute inspecta avec soin son front, qu'elle découvrit, ses yeux, ses dents, qu'elle mit bien en lumière. Rassurée, sans doute, elle sourit et se fit la révérence d'un plongeon de pensionnaire. Elle revint ensuite au portrait de Nist et l'étudia, comme pour se familiariser avec lui, car elle ne se représentait pas son image tout à fait de la sorte. L'expression du sourire un peu moqueur sur l'image la déroutait, ainsi que les yeux trop vifs et gais. Cela lui fit penser « Mais pourquoi m'a-t-il glissé cela en cachette et par trahison ? Que veut-il que j'en fasse ? Suppose-t-il que je vais lui écrire ou aller chez lui ?» Elle se dit qu'il l'avait peut-être mal jugée, prise pour une femme douteuse cherchant une aventure. Mais pourquoi n'aurait-il pas deviné simplement qu'elle était digne et très à plaindre ? Le porte-carte en ce cas semblait lui dire « Vous saurez en cas de péril où me trouver ». C'était un petit talisman joli, avec une gentillesse de cadeau. Elle fut émue aux larmes, ne put croire qu'une sympathie si spontanée cacha des motifs bas ou déshonnêtes. Pourquoi ce monsieur Nist ne serait-il pas un galant homme ? Pourtant la voix de sa conscience objectait. Galant homme, mais léger, imprudent, peu correct. À admettre que leur échange de regards, le mutuel élan de leur sympathie fut sans blâme, était-il autorisé à glisser ainsi à une femme qu'il ne connaissait pas, un objet aussi intime que ce portefeuille ? N'y avait-il pas là une audace toute familière et choquante ? Elle-même était-elle irréprochable, en gardant ce qui ne lui appartenait point, cette photographie et ces cartes qui avaient passé par ses mains d'homme logées sur sa poitrine ? Elle s'aperçut un peu tard qu'elle aurait dû se sentir froissée, et elle s'indigna, mais sans force, et n'éprouva de réel qu'une humiliation assez douce, en se demandant comment Nist, en ce moment, la jugeait. « J'ai pris son porte-carte dès qu'il me l'a tendu. Il a dû me croire complice. Une jeune femme très rouée sous mon air candide. Il me méprise, certainement. » Elle s'abandonna à cette idée et ne la trouva pas si amère qu'elle aurait cru. Le pire, à ses yeux, eût été que Nist cessa de s'intéresser à elle et qu'elle ne le revit jamais. Mais cela lui semblait impossible. Elle cacha le carnet dans sa robe et, sans plus s'attarder, de peur d'éveiller des soupçons, elle alla dans le salon où son agitation se passa sur le vieux piano dont elle tira des éclats de rire et des roulades. Rien n'agaçait plus les nerfs de sa belle-mère qui parut presque aussitôt. « Finissez donc, c'est insupportable. Vous savez que cela exaspère Kiki. » Un petit griffon hargneux s'élançait dans la pièce en jappant avec fureur. Il avait la voix horriblement fausse, fausse à faire grincer les dents, et a donné envie de le piétiner jusqu'à extinction de souffle. Claire, qui le détestait, prolongea encore un peu son manège. dans l'espoir qu'enragé il se jetterait par la fenêtre. Mais Madame Gerbaud cria « Est-ce que vous devenez folle ? Finissez tout de suite !» d'un ton si brutal que, s'arrêtant net, la jeune femme referma le piano et se leva. « Je vous prie de ne plus me parler sur ce ton, » dit-elle doucement, mais avec fermeté. « Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ?» balbutia Madame Gerbaud, devenant pourpre. « Vous pouvez parler à Kiki sur ce ton, si cela vous plaît, mais pas à moi !» répéta Claire, soudain blanche comme le mouchoir qu'elle portait à ses dents, les lèvres retroussées dans un sourire douloureux et bizarre. Madame Gerbaud, devant cette révolte inattendue, recula. « Je ne sais pas comment vous prenez les choses, » maugréa-t-elle. « Ah, si mon pauvre enfant vivait, ce n'est pas devant lui qu'on parlerait ainsi à sa mère. Et quant aux imbéciles qui nous suivent, je veux dire, qui vous suivent, au bon marché. » Là, un regard agressif et perfide, ce n'est pas en sa présence non plus qu'il se serait risqué. Moi, quand j'étais jeune, les messieurs ne me suivaient pas. À mon air, à mon allure, ils devinaient bien qu'ils perdaient leur temps. Il faut croire que les mœurs sont changées, ou que les jeunes femmes d'aujourd'hui se tiennent moins sur la réserve. Est-ce que cet insolent ne vous a pas adressé la parole ? Quand vous êtes monté en voiture, il m'a semblé... Non, dit Claire, forcée de mentir pour la première fois, ce qui la rendit honteuse et encore plus crispée contre son Argus. C'est Paul qui lui aurait fait son affaire, ces goujats, ces poltrons qui n'ont de cœur qu'avec des femmes seules. Elle admira avec quelle adresse sa belle-mère détournait la conversation et la dirigeait contre elle. Elle n'en éprouva que plus de sympathie pour Nist en le voyant outragé. Quant à feu Gerbaud, quand il sortait avec sa femme au bras, il n'avait jamais su empêcher qui que ce soit de la regarder sous le nez. « Il me semble, » dit la vieille femme avec l'insistance d'un esprit méfiant et tenace, « que ce n'est pas la première fois que j'ai vu rôder cette figure-là. Peut-être est-il du quartier. En tout cas, s'il nous rencontre encore et se permet de nous suivre, ce ne sera pas long. Je le ferai conduire au poste par un sergent de ville. » Claire ne répliqua rien. Elle tâta seulement sa poche pour s'assurer que le carnet de Nist y était toujours. Mentalement, elle appela son secours le jeune homme. Certainement, puisqu'il habitait le quartier, un bon hasard, une chance les rapprocherait. Et même, avec plus de courage, si l'éducation n'avait pas étouffé toute indépendance en elle, pourquoi ne céderait-elle pas, au lieu d'attendre que le ciel l'aidât ? Mais comment, par quels moyens recourir à cet inconnu ? Ses préjugés, sa pudeur, la honte, elle s'avoua que c'était impossible. Le dîner entre les deux femmes fut glacial. Une jeune bretonne, terrorisée par Madame Gerbaud la mère, les servait, avec des gestes gauches. De bonne heure, prétextant une migraine, Claire se retira après avoir déclaré « J'irai au bain demain matin. » Madame Gerbaud ne manifesta aucune intention de l'y accompagner, contrairement à son habitude. La porte refermée, elle hocha la tête d'un air sombre et donnait un coup de pied à Kiki qui grattait ses puces trop près d'elle. Les lèvres crispées, les bras croisés sur sa poitrine, elle n'avait nullement l'air bon. Tout à coup, elle se dirigea vers la cuisine, où son apparition inopinée surprit si fort la pauvre bonne qu'elle laissa échapper l'assiette qu'elle était en train d'essuyer. « Je vous donne vos 8 jours, » dit Madame Gerbaud avec une majesté froide et terrible, « et je retiendrai sur vos gages toute la vaisselle cassée. » Elle ajouta, « Ne pleurez pas, ma fille, c'est inutile. Je vous ai prévenu. Chez moi, on ne casse jamais plus de 3 assiettes. La 3e, on s'en va et on les paye. Vous, je vous ai gardé jusqu'à 5 en 15 jours. Ah, pas de giry, ou je vous mets à la porte tout de suite. » Imposante, elle passa dans la salle à manger, se livra à une revue des armoires, compta le sucre, revint au salon où elle remit un cadre d'aplomb, alla coucher Kiki dans un cabinet noir, et sur le coup de 9 heures, s'enferma dans sa chambre. Il y avait de la lumière sous la porte de sa bru. D'abord, elle n'y prit pas garde, la chose n'ayant rien de particulier. Mais, habituée au petit bruit de la chambre voisine, elle s'étonna du silence. Sa manie d'espionnage était telle qu'elle avait aménagé dans la cloison 1 ou 2 petits trous, habilement dissimulés, auxquels il était facile de coller son œil. Elle avait épié ainsi plus d'une fois Claire, dans les petits actes de sa vie, et jusqu'en sa toilette intime, par curiosité malhonnête. Elle s'approcha du Judas et aperçut un buste et des mains qui tenaient quelque chose qu'elle distinguait mal. Un petit livre. Non ? Un calepin ? La persistance avec laquelle Claire, immobile, le contemplait, l'intrigua vivement. Elle changea de place et, montée sur une chaise, plongeant d'un autre trou dans la pièce, elle discerna le porte-carte et la photographie de Nist. Comme il lui était inconnu, elle se demanda ce qu'un tel objet pouvait faire dans les mains de Claire. L'air recueilli, le regard fixe et perdu de celle-ci la frappèrent aussi étrangement. Une démangeaison de savoir lui prit, si cuisante qu'il lui sembla que des ventouses lui tiraient l'âme du corps. Les yeux hors de la tête, la bouche humectée de salive, tant son impatience était vive, elle s'étouffait à retenir son souffle. Sa première pensée fut d'ôter ses souliers, de se glisser dans le corridor et par une brusque irruption de surprendre Claire et son secret. Rien ne s'y opposait, la clé ayant été naguère adroitement égarée par elle et jamais remplacée afin qu'elle pût entrer à toute heure. Mais comme elle allait s'aventurer, Claire, soit que cet œil braqué sur elle lui inspira un malaise, soit peur d'un léger bruit, souffla vivement sa bougie. Madame Gerbault vit dans cet acte les plus coupables indices et conçut des soupçons tels qu'elle n'osait les formuler. Devait-elle intervenir immédiatement ou attendre que Claire fût endormie? L'oreille collée au mur, puisqu'elle ne pouvait voir, elle écouta les tâtonnements furtifs du coucher, le bruit flou des bottines, le frôlement des jupes, le heurt d'un broc de porcelaine, puis le petit cri du sommier sous un corps. Des heures s'écoulèrent, et bien qu'elle eût fini par se mettre au lit, elle restait encore aux aguets. Vers minuit, elle se leva, avec des précautions extrêmes, et un bougeoir en main, se coula jusqu'à la porte de Claire. Là, avec un saisissement au cœur, elle tourna le loquet et poussa fort. Un écroulement d'objets et l'émiettement d'une carafe et d'un verre, précipités du haut de la table de nuit placée en barricade, répondirent à son attaque. Claire, réveillée, poussa un grand cri. « C'est moi, c'est moi !» se dépêcha de dire Madame Gerbault, attrapée des colères. « Pourquoi vous barricadez-vous? J'ai cru vous entendre appeler, je suis venue. En voilà une idée. Mais levez-vous donc cette carafe, inonde le parquet !» Claire étancha l'eau avec une serviette, mais sans retirer la table de nuit qui la protégeait. Madame Gerbault dut faire retraite. « Pourquoi vous barricadez-vous » grommela-t-elle. « Est-ce que vous avez peur ?»« Oui, » dit Claire. Les yeux de Madame Gerbault fouillaient la chambre. Elle ne vit pas le porte-carte. Sans doute il était caché sous le traversin. « Eh bien, recouchez-vous et tâchez de dormir. À demain. » L'accent avec lequel elle prononça ce mot sonnait la menace.